L'enfant amateur d'oiseaux. Écoute, oiseau, je t'aime et je voudrais te prendre. Pauvre oiseau, sans témoin, comment peux-tu chanter? Moi, quand je suis tout seul, je m'en vais. S'arrêter, c'est attendre ou dormir, et courir, c'est apprendre. Viens courir, je t'invite à mon jardin très grand, plus grand que cette plaine et qui sent bon de roses. Mon père, il va chanter ses rimes et ses proses. Ma mère y tend son linge et le lave au courant. Moi j'y vis en tous sens comme l'oiseau qui vole. Je monte au mur en fleurs, aux fruits plantés pour moi. J'ai hâte de manger les plus beaux avec toi. Viens, nous partageons tout, excepté l'école. L'école, c'est ma mort. Jamais tu n'y viendras. Je serais bien fâché d'y faire aller personne. Je n'ai jamais sommeil que quand l'école sonne. Toi libre chez ma mère, heureux tu m'attendras. Dans ta cage bien close, elle est neuve et cachée, sous la vigne flottante autour de la maison. Tu verras le soleil descendre à l'horizon, et tu diras le jour à ma mère couchée. Tu n'as vu nulle part de nid mieux fait, plus vert, plus frais quand on a chaud, plus chaud quand c'est l'hiver. Tout s'y trouve. On peut y loger un grand ménage d'oiseaux, c'est un palais.